Pour les amateurs de plein air estival, BR Metal vous offre des foyers extérieurs pour bien égayer votre été. 100% local, fabriqué en usine, venez rencontrer nos spécialistes pour bien vous conseiller. BR Metal, au 353 Gustave Dessureau, Dolbeau-Mistassini, 418-276-5888. Le propriétaire, M. Robin Bouliane, souhaite une bonne saison aux golfeurs et il est très heureux de commanditer la chronique de golf du club de Dolbeau-Mistassini. C'est la chronique du club de golf de Dolbeau-Mistassini présentée par BR Metal. On va parler avec Sébastien Marceau. Salut Sébastien. Salut Danny. Sébastien, on va parler un peu de ce qui m'intéressait, c'était la réunion la semaine dernière, réunion des membres. C'était la première fois que ça se faisait. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. On a eu une quarantaine de personnes qui sont présentées. On a eu une belle réunion. On a vu, on a eu les bilans depuis le début de la saison, les nombres de membres qu'on a de plus, les nombres de membres qu'on a de moins, ceux-là qui sont à forfait au lieu de rentrer membres. On a eu les chiffres. Les chiffres sont comparatifs à l'an passé. Okay. Ça va quand même bien. Les nombres de membres ont diminué, mais on a une augmentation de membres du côté de la première année. Okay. Que, les anciens membres, il y a une couple qui ont peut-être lâché, mais on a plus de nouveaux membres qui ont rentré pour vu que c'est la première année. Okay, okay. On a peut-être une dizaine de plus, donc le bilan est quand même le même quasiment dans le nombre d'entrées au club de golf. La promotion, là, que 10 ans, est-ce que ça a donné des résultats? Oui, ça a donné des résultats. On a eu, c'est ça, je t'ai expliqué. On a eu 8 ou 9 qui ont rentré membres à cause de ça. Ah, c'est bon ça, c'est très, très bon ça. Rappelons, cette promotion-là, c'était quoi juste, hein? C'est que ça fait 10 ans que t'as pas été membre au club de golf. Ouais. Tu rentres membre pour seulement 395 $ que tu payes au lieu de payer la totalité de ta cotisation. OK. Puis la deuxième année, c'est-tu un rabais pour la première année ou c'est un rabais pour la première. La deuxième année, je pense que c'est 100 $ de plus, puis après ça, tu redeviens membre normal, là. OK. Les deux premières années qui sont avantageuses, après ça, ben, tu redeviens un membre régulier comme tu étais avant. OK. Parle-moi maintenant. Pardon. Qu'est-ce que les gens ont dit? Qu'est-ce que les gens ont dit la plupart? Est-ce qu'il y avait des questions à poser? Oui, il y a eu plusieurs questions. Il y a eu des questions sur le terrain, les nouveaux jalons des 70 ans plus que j'avais instauré cette année. Okay. Si ça allait toffer, si j'avais posé la question, si les gens aimaient ça, les gens ont quand même très apprécié. On a eu des petites discussions pour les gens qui partent à 5 au lieu de 4. Ça a été demandé. Quand j'ai accepté que quand il n'y aurait pas beaucoup d'achalandage, que de temps en temps, on aurait quand même des départs à 5. C'est pas qu'une personne se ramasse seule quand on est 5. OK. Donc, au final, est-ce qu'il y a plus de parties où ça ressemble pas mal? Parce que s'il y a moins de membres, c'est pas grave. Si vous leur gagnez au Green Fee, c'est là que c'est plus payant. Oui, bien c'est sûr. Depuis le début, en tout cas depuis 2 semaines, là, il fait beau. Ben ouais. L'augmentation de Green Fee il est quand même augmentée. On a eu un bon mois pour l'instant. Okay. On va gagner où ce qu'on a perdu avant. Là, on a eu des membres qui ont diminué un peu dans les anciens, mais on a 10 nouveaux qui ont rentré. C'est on balance quand même les chiffres quand même. Là. OK. Donc, y a-t-il sorti quelque chose de nouveau aussi par la suite lors de cette échange-là? Non, il n'y a pas sorti vraiment quelque chose de nouveau. Tout ce qu'on a su par le comité de gestion, c'est que c'est sûr qu'on n'est pas top dans l'argent. Que si on arrive des bad luck, ben il faut falloir emprunter parce qu'on possède pas tant d'argent que ça, mais on n'est pas dans le trou. On est kiff, on arrive correct. OK. Parle-moi maintenant de ce qui se passe cette semaine au club de golf. Ce qui se passe cette semaine, on a eu, je pense c'est hier, on a eu les juniors qui ont joué. Donc, okay. On a eu une compétition junior. Dimanche, on a eu la compétition senior-adulte. On a deux Dolbeau qui ont gagné dans le 2B. On a Marcel Bussière et première position Ronald, deuxième position Marcel Bussière. Okay. Après ça, dans le B, on a Réjean Ménard qui a gagné. Mm. Ça, c'est Dolbeau. Après ça, la journée d'avant, on a eu une première le trip à deux avec Dolbeau Saint-Prime mélangé ensemble. C'est une journée de golf à deux. Le gagnant de la journée, c'est Jean Lamotte et Junior Junot. Oh, Junior qui a gagné, OK, c'est bon. Oui. À 69, okay. Après ça, les suivants, c'est Dominique Couchard et Sébastien Marceau à 71. OK, donc ça, c'est quand même une bonne performance. Oui, on a eu 40 participants. C'est pas okay. Extrême, mais c'est correct. Au moins, les gens ont participé au tournoi qu'on a organisé. Ça va bien, avec Junior, la synergie? Oui, la complicité, oui, ça va très bien. On se complète très, très bien. On est en train de préparer tranquillement le Chambre de club Dolbeau s'imprime ensemble, le Chambre de club qui va être le 18-19 août, si je ne me trompe pas. en train de préparer ça tranquillement. On est en train de préparer ça pour les membres, qu'on fasse de quoi de quand même très intéressant pour tout le monde s'inscrit. OK. Y a-t-il une possibilité éventuellement, parce que Saint-Prime font quand même un gros week-end golf, puis ça a donné pas mal de résultats. Est-ce que Dolbeau, on se penche là-dessus? Pour l'instant, j'ai pas vraiment de demande là-dessus, je vais être honnête avec toi. On a quand même le tournoi Jean Lemieux qu'on a toutes les années, qu'on va quand même chercher 90 participants. Là, c'est une grosse fin de semaine. Le repêchage est vendredi, on a du monde qui vient jouer le samedi. Ça ressemble un peu à eux autres, mais sauf que nous autres, c'est juste le vendredi, samedi. OK. Ben, on s'en reparle la semaine prochaine? Oui, c'est bien beau, Danny. OK, donc, c'était la chronique du club de golf de Dolbeau-Mississippi, Sébastien Marceau, présenté par BR Metal.